إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Toujours dans la traduction et les quelques commentaires sur le livre Al-Qawl al-Mufid fi Adilat al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wisabi hafidhahullahu ta'ala. Durant le dernier cours, on a traité de la foi, de la définition du terme de la foi, des six piliers de la foi, des preuves que la foi augmente et également les preuves que la foi diminue. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى من أدلة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. Ensuite, l'auteur ouvre le chapitre des preuves ou des textes qui prouvent que les actes font partie de la foi. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم فسمى الصلاة إيمانا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس رواه البخاري ومسلم. Ensuite le Cheikh حفظه الله cite les preuves que les actes font partie de la foi. Et il cite pour preuve la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 143 de Surat Al-Baqarah وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, c'est-à-dire de votre prière. Et Allah Azza wa Jal ici a appelé la prière foi. Et pour comprendre ce verset, il faut le prendre de son début. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَا مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ afin que vous soyez des témoins pour les gens. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا et afin que le prophète soit pour vous un témoin ou soit un témoin contre vous. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ et nous avons fait de la qibla, c'est-à-dire qu'au début les musulmans priaient en direction de Jérusalem. Et Allah Azza wa Jal a légiféré cela pour éprouver les musulmans et pour savoir lesquels des musulmans vont suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela, et ceux qui vont revenir sur leurs talons. Et c'est ensuite qu'Allah Azza wa Jalla dit: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, c'est-à-dire de vos prières. Et Cheikh Saadi rahimahullah a dit: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ بِتَقْدِيرِهِ لِهَذِهِ الْمِحْنَةِ أَوْ غَيْرِهَا. Et Allah, comme le dit Cheikh Saadi, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit: et Allah, et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, c'est-à-dire lorsqu'il a décrété cette épreuve pour vous. وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ تَحْوِيلِ الْكَعْبَةِ. Et entre dans ce verset ceux parmi les croyants qui sont morts avant que la direction de la prière ne soit finalement demandée, ou que la direction ne soit finalement celle de la Mecque. Donc ceux qui sont morts avant que Allah Azza wa Jalla ordonne à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam de prier en direction de la Mecque, est-ce que leur prière est diminuée, ou est-ce que Allah Azza wa Jalla ne les récompensera pas pour toutes ces prières qu'ils ont faites en direction de Jérusalem? La réponse est oui, Allah Azza wa Jalla les récompensera, car ils ont obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment, et ils ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala au moment où il fallait lui obéir. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ إِيمَانَهُمْ لَكِنْ لِكَوْنِ أَنَّهُمْ امْتَثَلُوا أَمْرَ اللَّهِ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَبِهِ وَسَلَّمُ فِي كُلِّ الْوَقْتِ. Et Allah Azza wa Jalla ne fera pas perdre la récompense de ceux-là, car ils ont obéi, à l'ordre d'Allah et à l'ordre de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'obéissance d'Allah et de son envoyé, c'est une obéissance de tout instant. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. Puis l'imam Sa'di rahimahullah dit: et il y a dans ce verset une preuve pour les gens de la sunna que dans la foi entre les actes des membres du corps. Car ici Allah Azza wa Jalla a appelé la prière foi. C'est clair ou pas? Oui. Et ensuite il a cité les deux hadiths. Le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, que l'on a déjà vu auparavant, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi est composée de 70 et quelques branches. La meilleure est la parole la ilaha illallah, et la plus basse est le fait d'enlever une chose nuisible du chemin ou d'un chemin. Et la pudeur fait partie des branches de la foi. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement considéré le fait d'enlever une chose nuisible du chemin comme étant ou comme faisant partie de la foi, ceci est un acte. De même que de dire la ilaha illallah, est-ce que c'est un acte ou pas? Oui. Donc, ce hadith est une preuve évidente que les actes font partie de la foi. Et il a cité le second hadith d'Abdullah ibn Abbas, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous ce qu'est la foi en Allah? Ils ont dit: Allah et son envoyé sont les plus savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de jeûner le ramadan, et de donner du butin le cinquième. Le cinquième hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallam a considéré toutes ces choses comme faisant partie de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف حفظه الله فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في ما يتعلق ب مسألتي الإرجاء. Ensuite, Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahab, حفظه الله تعالى, cite la fatwa du comité permanent des savants d'Arabie Saoudite, la fatwa numéro 21436, qui est datée du 8e jour du mois Rabi al-Thani de l'année 1421. Et il cite la fatwa dans sa totalité. La fatwa qui est celle-ci. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من عدد من المستفتين المقيد استفتاءاتهم بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء. Donc, الحمد لله, la louange appartient à Allah et que le salut et la prière d'Allah soit sur celui dont il n'y a pas de prophète après lui, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le comité permanent des recherches scientifiques et de l'IFTA a vu ou a pris en considération toutes les questions qui ont été posées au Mufti général de l'Arabie Saoudite dans plusieurs questions envoyées. Et ensuite, ils citent l'ensemble des questions avec leur numéro. Ils disent « وَقَدْ سَأَلَ الْمُسْتَفْتُونَ أَسْئِلَةً كَثِيرَةً مَضْمُونُهَا » Et ceux qui ont posé les questions en ont posé plusieurs, dont voici le résumé. « ظَهَرَتْ فِي الْآوِنَةِ الْأَخِيرَةِ فِكْرَةُ الْإِرْجَاءِ بِشَكْلٍ مُخِيفٍ وَانْبَرَ بِتَرْوِيجِهَا عَدَدٌ كَثِيرٌ مِنَ الْكُتَّابِ » est apparue dernièrement une pensée ou la pensée de l'irja. Et ceci se répand d'une façon qui est grave et diffuse cette pensée beaucoup d'auteurs de livres. يعتمدون على نقولات مبتورة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Et il s'appuie, c'est-à-dire tous ces écrivains et tous ces auteurs qui font circuler, qui diffusent la pensée de l'irja, ils s'appuient sur des paroles coupées de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. C'est-à-dire qu'ils ne rapportent pas la parole de Cheikh al-Islam dans la totalité, mais ils prennent uniquement des portions de paroles qui leur servent à diffuser leur égarement. مما سبب ارتكابا عند كثير من الناس في مسمى الإيمان حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يخرجوا العمل عن مسمى الإيمان ويرون النجاة من ترك جميع الأعمال. Ce qui crée beaucoup de questions, qui suscite beaucoup d'interrogations chez beaucoup de gens concernant la signification et la définition de la foi. Car ces personnes, ces écrivains et autres, tentent de propager cette idéologie en essayant de faire sortir les actes de la définition de la foi. Et ils considèrent que celui qui délaisse l'ensemble des actes peut être sauvé. وَذَلِكَ مِمَّا يُسَهِلُ عَلَى النَّاسِ الوقوع في المنكرات وأمور الشرك وأمور الردة إذا علموا أن الإيمان متحقق لهم ولو لم يؤدوا الواجبات ويتجنبوا المحرمات ولو لم يعملوا بشرائع الدين بناء على هذا المنهج أو على هذا المذهب. Et cette façon de penser, c'est-à-dire de diffuser auprès des gens que les actes ne font pas partie de la foi, eh bien, ceci va faciliter aux gens le fait de tomber dans les interdits et dans les actes d'associanisme et d'autres péchés qui font sortir de l'islam lorsqu'ils sauront que la foi est présente, même s'ils ne font pas des obligations, et même s'ils ne délaissent pas les interdits, même s'ils n'appliquent rien des les actes qui font partie de l'emblème de l'islam en se basant sur cette idéologie, à savoir l'idéologie de l'irja. ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة فرج من سماحتكم بيان حقيقة هذا المذهب وآثاره السيئة وبيان الحق المبني على الكتاب والسنة وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et ensuite, dans la question, il a été dit, il n'y a pas de doute que cette idéologie a sa dangerosité vis-à-vis des civilisations musulmanes. Un danger dans leur foi, dans leurs adorations, et nous demandons à votre éminence, et nous demandons à votre éminence de nous montrer la réalité de cette idéologie et ses conséquences néfastes, et de montrer la vérité appuyée par le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de montrer la vérité dans les paroles du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, afin que le musulman soit dans sa religion en toute clairvoyance, qu'Allah vous facilite le bien et qu'il rafferme vos pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي. Et après étude, le comité de réponse a donné la réponse qui suit. هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. Ces paroles qui ont été citées sont les paroles de l'Murji'a qui font sortir les actes de la définition de la foi. ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط. Et ils disent que la foi c'est uniquement de considérer vrai par le cœur ou de considérer vrai par le cœur et de le prononcer par la langue uniquement. وَأَمَّا الْأَعْمَالُ فَإِنَّهَا عِنْدَهُمْ شَرْطُ كَمَالٍ فِيهِ فَقَطْ وَلَيْسَتْ مِنْهُ. Et chez eux, c'est-à-dire chez le Murji'a, les actes ne sont chez eux qu'une condition de perfection. C'est-à-dire que si tu fais les actes d'adoration, eh bien, cela ne va que parfaire ta foi, mais ne la remettra pas en cause, et que les actes ne font pas partie de la définition de la foi. فَمَنْ صَدَقَ بِقَلْبِهِ وَنَطَقَ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ كَامِنُ الْإِيمَانِ عِنْدَهُمْ. Celui donc qui croit avec son cœur et qui prononce avec sa langue, il est chez eux un croyant qui a la foi complète. وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ مِنْ تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ وَفِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ. Même s'il fait tout ce qu'il fait comme délaissement des obligations et comme accomplissement des interdits. وَيَسْتَحِقُ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطْ. Et qu'il mérite, et qu'il mérite l'entrée au paradis même s'il n'a jamais fait de bien. وَلَزِمَ عَلَى ذَلِكَ الضَّلَالِ لَوَازِمْ بَاطِلَ مِنْهَا حَصْرُ الْكُفْرِ بِكُفْرِ التَّكْذِيبِ وَلِاسْتِحْلَالِ الْقَلْبِ. Et de cette parole découlent d'autres égarements qui sont aussi faux. Parmi ces égarements, le fait de restreindre la mécréance à la mécréance de At-Takdhib, c'est-à-dire du rejet, et de considérer licite par le cœur. À savoir que chez eux, Al-Murji'a, tu es mécréant que lorsque tu ne crois pas avec ton cœur et que tu considère autoriser des choses qui sont interdites dans la religion. ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. Il n'y a aucun doute que cette parole est une parole fausse et que c'est un égarement manifeste qui contredit le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui contredit la voix des gens de la sunna, leur salaf comme leur khalaf. Leur salaf, c'est-à-dire leurs prédécesseurs, comme ceux qui sont venus après les plus prédécesseurs. Wa anna hadha yaftahu baba li ahli ash-sharr wal fasad lil inhilal min ad-din wa 'adam at-taqayyud bil awamir wan nawahi wal khawf wal khashya min Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cette idéologie ouvre la porte aux gens du mal et de la turpitude afin de sortir de la religion et de ne pas se conformer aux interdits et de ne pas se conformer aux ordres et aux interdits et de ne pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'attilu janib al-jihad fi sabilillah wal amr bil ma'ruf wal nahy 'an al-munkar wa yusawwi bayna as-salih wat-talih wal muti' wal-'asi wal mustaqim 'ala din Allah wal fasiq al-mutahallil min awamir ad-din wa nawahih. ما دام أن أعمالهم هذه لا تخل بالإيمان كما يقولون. Et cette idéologie ampute également la lutte dans le sentier d'Allah et élimine le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et cette idéologie met sur le même piédestal le pieux comme le pervers, celui qui obéit comme celui qui désobéit, celui qui est droit dans la religion d'Allah et celui qui est pervers et se dévie des ordres de la religion ainsi que de ses interdits. Et ceci tant que la foi est présente, comme ils le disent. Et ceci tant que la foi est présente, comme ils le disent. C'est-à-dire Al-Murji'ah, qui disent que tant que la foi est présente, alors il n'y a pas de différence entre celui qui obéit, celui qui désobéit, celui qui est dans le droit chemin et celui qui est égaré. ولذلك اهتم أئمة الإسلام قديما وحديثا ببيان بطلان هذا المذهب والرد على أصحابه وجعلوا لهذه المسألة بابا خاصا في كتب العقائد بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. Que les savants de l'islam, avant les anciens et les contemporains, ont montré la fausseté de cette idéologie et ont répondu à ses partisans. Et ils ont fait de ce sujet un chapitre à part entière dans leur livre de croyance. Et ils ont même écrit dans ce domaine des livres à part entière, comme l'a fait Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et autres que lui. قال Cheikh al-Islam rahimahullah في العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans son livre Al-Aqidatul Wasitiyya et fait partie des bases des gens de la Sunna que la religion et la foi sont des paroles et des actes, les paroles du cœur et de la langue et les actes du cœur, de la langue et des membres du corps, et que la foi augmente par l'obéissance et elle diminue à cause de la désobéissance. On parle de Kitab al-Iman wa min hadha al-bab aqwal al-salaf وأئمة السنة في تفسير الإيمان فتارة يقولون هو قول وعمل وتارة يقولون هو قول وعمل ونية وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وكل هذا صحيح. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله dit également dans son livre Al-Iman, a dit également dans son livre Al-Iman, et dans ce chapitre, il y a beaucoup de paroles des salafs et des imams de la sunna dans l'explication de la foi. De temps en temps, certains disent que c'est une parole que ce sont des paroles et des actes. Et de temps en temps, ils disent que ce sont des paroles, des actes et une intention. Et d'autres, et de temps en temps, ils disent, ce sont des paroles, des actes, une intention et le suivi de la sunnah. Et de temps en temps, ils disent que c'est une parole avec la langue, que c'est une croyance avec le cœur, et que ce sont des actes qui sont faits à travers les membres du corps. Et tout ceci est vrai. C'est-à-dire, toutes ces définitions sont autant vraies les unes des autres. وقال رحمه الله والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان. Et il dit رحمه الله, et les salafs, les plus prédécesseurs, ont fortement répondu à المرجئة lorsqu'ils ont exclu les actes de la foi. ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفشح الخطأ. بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم بل يتفاضلون من وجوه كثيرة وقال رحمه الله وقد عدلت المرجئة في هذا الباب في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة وهذه طريقة أهل البدع انتهى. الجوسي رحمه الله. Et il n'y a aucun doute que leurs paroles dans le fait que sont égaux dans la foi, les gens sont au même niveau de foi, que ceci fait partie des paroles les plus fausses. Mais bien au contraire, les gens ne sont pas sur le même piédestal et ne sont pas égaux dans le fait de considérer vrai, ni dans l'amour, ni dans la crainte, ni dans la science, mais les gens sont différents les uns des autres dans beaucoup et beaucoup de domaines. Et il dit aussi, rahimahullah, et Al-Murji'ah s'est éloigné dans ce chapitre, ou dans cette base, s'est éloigné de ce qui est démontré dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans les paroles des compagnons et de ceux qui les ont suivis dans le bien. Et ils se sont appuyés sur leurs avis et sur leurs interprétations selon leur compréhension de la langue. Et ceci est la voie qu'empruntent les gens de l'innovation. ومن الأدلة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وعلى زيادته ونقصانه بها قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقوله تعالى وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Et parmi les preuves que les actes entrent dans la foi et que la foi augmente et diminue, et la parole d'Allah Azza wa Jalla, les croyants sont ceux qui, lorsqu'Allah est cité, leur cœur frémisse. Et lorsque les signes d'Allah leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et donnent de ce qu'Allah, mimma razaqnahum, et de ce que nous leur avons donné, ce sont eux les véritables croyants. Donc, dans ces versets, il y a la preuve de deux choses. Tout d'abord, que les actes font partie de la foi. Quelle est la preuve ? الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. La preuve que les actes font partie de la foi dans ces versets, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, ceux qui accomplissent la prière et donnent de ce que nous leur avons donné, ce sont eux les véritables croyants, ceux qui prient et qui donnent en aumône. Ceux-ci sont des actes. Et dans ce verset, il y a aussi la preuve que la foi augmente et qu'elle diminue. Et c'est dans la parole d'Allah Azzawajal, et lorsque les versets d'Allah leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et on avait vu dans les cours derniers que lorsque la foi augmente, ceci est une preuve qu'elle diminue également. Et l'autre verset, dans surat al-mu'minun, surat les croyants, où Allah Azzawajal dit, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ont connu ou ont gagné les croyants, ceux qui dans leur prière sont humbles et qui s'écartent des futilités, ceux qui accomplissent la zakat, qui préservent leur partie génitale, sauf envers leurs épouses ou ceux qu'ils possèdent comme esclaves, alors point de reproche à eux. Celui qui recherche en dehors de cela, c'est-à-dire d'assouvir ses désirs en ayant des rapports intimes, en dehors de ce qu'Allah Azzawajal a cité, à savoir les femmes et ceux qui possédaient des esclaves, eh bien, ce sont eux les transgresseurs. Et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts et qui leur sont confiés et honorent leur engagement et qui observent strictement leur prière. والذين هم على صلواتهم يحافظون وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Et la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, la foi fait partie ou est constituée de 70 et quelques branches. La plus haute est la parole la ilaha illallah, et la plus basse et d'enlever une chose nuisible du chemin, et la piété ou la pudeur fait partie de la foi. Qala al-Sheikh al-Islam. Donc tout ceci c'est la fatwa de al-Lajna al-Da'imah. Qala al-Sheikh al-Islam rahimahullah fi kitab al-Iman ayda wa asl al-Iman fi al-qalb wa huwa qawl al-qalb wa 'amaluhu. هو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. Il dit رحمه الله dans son livre الإيمان, et la base de la foi est dans le cœur, et c'est la parole du cœur et son acte, et c'est d'accepter et de considérer vrai, d'aimer et de se soumettre. Quand et ce qu'il y a dans le cœur doit obligatoirement apparaître au niveau des membres du corps. وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. C'est-à-dire que la foi a des conséquences. Lorsque ta foi est véridique, il y a des conséquences que l'on a citées dans les cours précédents. Et ces conséquences doivent apparaître et doivent être visibles à travers les membres du corps. Et celui qui ne met pas en pratique les conséquences directes de la foi, cela prouve deux choses, soit ou l'une de deux choses, soit qu'il n'a pas de foi dans son cœur, ou soit que son cœur, que sa foi est faible. كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له. Et ainsi, les actes apparents font partie des conséquences directes de la foi du cœur. Et c'est une véracité, est une preuve de véracité de ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est également un témoin du cœur. C'est-à-dire que les actes des membres du corps sont un témoin de ce qu'il y a dans ton cœur. وهي شعبة من الإيمان المطلق وبعض له. وقال أيضا بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. Et il dit aussi, rahimahullah, et celui qui réfléchit sur les paroles de l'Khawarij et de l'Murji'a, dans la signification de la foi, eh bien, il saura pertinemment que ces paroles sont contraires au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il saura pertinemment que l'obéissance à Allah et à son envoyé font partie de la foi et font partie de ce qui complète la foi et de la foi complète. Et que وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. Et il saura pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne considérait pas tous ceux qui faisaient des péchés comme étant des non-musulmans. ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفل بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم بل ونقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان وأنتم أهل شفاعتي يوم القيامة ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك انتهى. Et il continue, c'est-à-dire Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, en disant, et il saurait, c'est-à-dire celui qui regarde, on a vu, pertinemment les paroles de l'Khawarij et de l'Murji'ah, qui sont deux extrêmes. Al-Khawarij qui disent que celui qui fait un péché, c'est un il sort de l'Islam. Et Al-Murji'ah qui disent que c'est un croyant qui a la foi complète. Il dit, rahimahullah, et il saurait que si l'on supposait que des gens auraient dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous croyons en ce que tu as amené avec nos cœurs, nous n'avons aucun doute, et nous attestons de cela avec nos langues en disant les deux shahada, sauf que nous ne t'obéirons pas dans ce que tu ordonnes de faire et dans ce que tu interdis de faire. Nous ne prierons pas et nous ne jeûnerons pas ni nous n'accomplirons le pèlerinage. Nous ne considérons ou nous ne dirons pas la vérité dans nos paroles. Nous ne donnerons pas le dépôt à celui qui nous l'a confié. Nous ne c'est-à-dire nous ne tiendrons pas nos engagements, nous ne nourrons pas les liens de parenté et nous ne ferons rien de ce que tu as ordonné comme bien. Nous boirons de l'alcool, nous nous marierons avec les femmes qui nous sont interdites au mariage à travers de l'adultère et de la fornication évidente. Nous tuerons ceux que nous pourrons tuer parmi tes compagnons et ta communauté, nous prendrons leur argent et nous te tuerons également, nous combattrons aux côtés de tes ennemis. Est-ce que une personne raisonnable, qui a la raison, puisse penser une seule seconde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirait à ces personnes, vous êtes des croyants qui avaient une foi complète et que vous faites partie de ceux qui profiteront de mon intercession le jour du jugement et que j'espérerai pour vous et que j'espère pour vous que qu'aucun d'entre vous n'entrera en enfer. Est-ce qu'un musulman, mais bien au contraire, tout musulman saura pertinemment que que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dira, vous êtes parmi les gens ceux qui ont le plus mécru à ce que, en ce que j'ai apporté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les combattrait et les tuerait s'ils ne se seraient pas repentis de cela. Et la parole de sallallahu alayhi wa sallam se termine ici. C'est clair ou pas? طيب. وقال أيضا فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كما تقدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان 70 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك. Et il dit aussi, c'est-à-dire Cheikh al-Islam, rahimahullah, que la parole, la foi, lorsqu'elle est citée de façon générale dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, yuradu bihi ma yuradu bilafd al-bir, qu'il est voulu par la foi ce qui est voulu par le terme piété. وبلفظ التقوى يعني البير c'est le bien, التقوى c'est la piété, وبلفظ الدين كما تقدم, et dans le sens de la religion également comme cela a été précédemment dit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que la foi était composée de 70 et quelques branches, et que la meilleure était la parole la ilaha illallah, et que la plus basse était d'enlever une chose nuisible du chemin. فَكَانَ ainsi tout ce qu'Allah aime entre dans la signification de la foi. Et également, وَكَذَلِكَ لَفْضُ الْبِرْ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ ذَلِكَ إِذَا أُطْلِقَ. Également, le terme bien ou bonté entre dans cela tout ce qui y est attrait lorsqu'il est cité de façon générale. وَكَذَلِكَ لَفْضُ التَّقْوَى وَكَذَلِكَ الدِّينَ أَوْ دِينُ الْإِسْلَامِ. وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Et également, il a été rapporté que lorsqu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que la foi, Allah azza wa jal a révélé le verset dans sourate al-Baqarah, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, que ne fait pas partie de la bonté de diriger vos visages vers l'Orient et l'Occident, jusqu'à la fin du hadith, jusqu'à la fin du verset Afwan, qui est un verset dans lequel Allah Azza wa Jal ne parle que des actes et des adorations. إلى أن قال والمقصود هنا أنهم لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل ولا على إيمان خال عن عمل. Et il dit, Cheikh al-Islam, rahimahullah, c'est-à-dire que l'on ne peut faire l'éloge de la foi que lorsqu'elle est accompagnée d'actes, et qu'on ne peut pas faire l'éloge d'une foi qui n'est pas accompagnée d'actes. فَهَذَا كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي الْإِيمَانِ وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ فَهُوَ كَاذِبٌ عَلَيْهِ. Voici ce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit sur la foi, et celui qui rapporte de lui autre que cela a menti à son sujet. Donc vous voyez clairement que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah considère-t-il la foi, les actes comme faisant partie de la foi? Oui. Fermez la porte là. Nordin Braklov. Je me disais qu'il faisait froid ici. Demain, Inch'Allah. وأما ما جاء في الحديث أن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعه من العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب. Et quant au hadith qui cite que des gens entreront au paradis alors qu'ils n'auront rien fait comme bien, que ceci n'est pas dans sa globalité, et que ceci n'est pas dans sa globalité, qui ne concerne pas tous ceux qui ont délaissé les actes alors qu'ils avaient la possibilité de le faire, mais que cela est propre à ceux qui, parce qu'ils avaient une excuse qui les a empêchés d'œuvrer ou d'autres raisons qui sont en concordance avec les textes sages et en concordance également avec ce qui a fait l'unanimité de nos pieux prédécesseurs dans ce domaine. هذا واللجنة الدائمة واللجنة الدائمة إذ تبين ذلك فإنها تنهى وتحذر وتحذر من الجدال في أصول العقيدة لما يترتب في ذلك من المحاذير العظيمة. Et le comité permanent, après avoir expliqué tout ceci, elle interdit et met en garde contre toute polémique sur des sujets qui font partie de la base de la croyance. لما يترتب على ذلك من المحاذير العظيمة, car il peut découler de cela des interdits gigantesques. وتوصي بالرجوع في ذلك إلى كتب السلف الصالح وأئمة الدين المبينة على المبنية المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف. Et le comité permanent conseille à revenir dans ce sujet, c'est-à-dire de croyance et autres bien sûr, aux livres des pieux prédécesseurs et aux imams de cette religion qui sont basés sur le livre d'Allah et sur la sunna ainsi que sur les paroles des salafs. وتحذر من الرجوع إلى الكتب المخالفة لذلك وإلى الكتب الحديثة الصادرة عن أناس متعالمين لم يأخذوا العلم عن أهله. Également, elle met en garde, le comité met en garde, le comité des savants met en garde contre le fait de revenir à des livres qui contredisent cela et aux livres nouveaux, récents, contemporains, qui proviennent et émanent de gens qui font croire qu'ils ont appris, mais qui en réalité n'ont pas pris la science des gens de science et des sources et des sources de la des sources de la religion, à savoir القرآن والسنة وأقوال السلف. وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد وتبنوا مذهب المرجئة. Et ils ont cité des paroles dans cette base immense des bases de la croyance et ils ont considéré ou ont suivi l'idéologie de المرجئة. ونسبوه ظلما إلى أهل السنة والجماعة ولبسوا بذلك على الناس. Et ils ont attribué cette idéologie aux gens de la sunna et ils ont ainsi trompé les gens. وغزروه عدوانا بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعززوه عدوانا بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أئمة السلف بالنقول المبتورة وبمتشابه القول وعدم رده إلى المحكم من كلامهم. Et ils ont appuyé de façon malhonnête leur idéologie en apportant des paroles du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, des paroles coupées et amputées, et en apportant des paroles qui sont ambiguës et n'ont pas ne sont pas retournés ou n'ont pas appliqué sur ces paroles ambiguës d'autres paroles qui sont claires parmi les autres paroles de Cheikh al-Islam Damien et des autres imams des salafs. وَإِنَّا نَنْصَحُهُ مَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ فِي أَنفُسِهِمْ وَأَنْ يَتُوبُوا إِلَى رُشْدِهِمْ وَلَا يَصْدَعُوا الصَّفَّ بِهَذَا الْمَذْهَبِ الضَّالِ وَاللَّجْنَةُ أَيْضًا تُحَذِّرُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْإِغْتِرَارِ وَالْوُقُوعِ في شراك المخالفين لما عليه جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد الله بن عبد الرحمن الغديان وعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ وباقر بن عبد الله أبو زيد وصالح بن فوزان الفوزان. Et également, le comité des savants dit, et nous leur conseillons de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir à leur guider et de ne pas se mettre dans le rang de ceux qui sont égarés. Et le comité met en garde les musulmans pour ne pas être dupés et ne pas être du côté de ceux qui contredisent ce sur quoi ou ce à quoi ont cru les gens de la sunna. Qu'Allah aide l'ensemble à la science bénéfique et aux actes pieux et à la compréhension de la religion. Que la prière d'Allah et son salut soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons, le comité permanent des études scientifiques et des réponses parmi le président Al-Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Mohammed al-Sheikh, qui est le mufti actuel de l'Arabie Saoudite, et les trois membres Al-Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Rudayyan wa Al-Sheikh Bakr ibn Abdullah Abu Zayd rahimahullah ta'ala wa Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Est-ce que la fatwa est claire? Est-ce que ça demande des explications? Tout est clair? طيب. ثم يقول المؤلف حفظه الله الإحسان ركن واحد. ثم أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخرجه البخاري في الإيمان ومسلم في الإيمان كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. Puis الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله ouvre le chapitre de la bienfaisance et que la bienfaisance est un seul pilier. Il dit, puis sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné par Jibril alayhi salam concernant la bienfaisance, il a dit, la bienfaisance c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui il te voit. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. قال الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين يرحمه الله كما في مجموع فتاواه الإحسان ضد الإساءة وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وعلمه وجاهه وبدنه. الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين كالله لفاس ميزيريكورد أدين صنيف مجموع الفتاوى le troisième volume, les pages 216 à 219. La bienfaisance est le contraire de la malfaisance et du fait de porter atteinte aux gens. Et la bienfaisance, c'est le fait de donner aux gens le bien et de diffuser le gens au bien et de s'abstenir de leur faire du tort, de diffuser le bien et de donner le bien aux serviteurs d'Allah, par son argent, par sa science, par sa place et par son corps. فأما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ولا يتم إسلام المرء إلا بها وهي أحب النفقات إلى الله عز وجل ويلي ذلك ما يجب على الإنسان من نفقة لزوجته وأمه وأبيه وذريته وإخوانه وبني إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته إلى آخر هذا ثم الصدقة على المساكين وغيرهم ممن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلا. Quant au fait de faire le bien par son argent, il dit, c'est-à-dire Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, c'est le fait de dépenser, de donner en aumône et de s'acquitter de la zakat. Et la meilleure des bienfaisances par l'argent, c'est bien sûr la zakat, car la zakat est un des piliers de l'islam et l'un de ses ou l'un de ces piliers immenses. Et l'islam ne peut être complété, l'islam d'une personne ne peut être complet que par celle-ci, par la zakat. Et c'est le meilleur don aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et vient ensuite, après cela, ce qui est obligatoire à l'être humain de dépenser pour sa femme, pour sa mère, son père, pour sa descendance, pour ses frères, pour ses neveux, pour ses sœurs, pour ses oncles, pour ses tantes maternelles et ses tantes paternelles, et ainsi de suite. Puis vient ensuite, dans le mérite, l'aumône que tu donnes aux pauvres et aux autres, qui font partie des gens qui ont le droit de percevoir l'aumône, comme les étudiants en sciences, par exemple. وَأَمَّا بَذْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْجَاهِ فَهُوَ أَنَّ النَّاسَ مَرَاتِبْ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ جَاهٌ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ فَيَبْذُلُ الْإِنسَانُ جَاهَهُ يَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَطْلُبُ مِنْهُ الشَّفَاعَةِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ يَشْفَعُ لَهُ عِنْدَهُ إِمَّا بِدَفْعِ ضَرَرٍ عَنْهُ أَوْ جَلْبِ خَيْرٍ لَهُ. Et ensuite, il y a aussi le fait de faire le bien de par sa position, ou de par son statut. Car les gens ont des statuts différents. Certains ont un statut particulier chez ceux qui ont le commandement. Et la personne peut user de sa place. Si un homme vient le voir pour lui demander l'intercession, son intercession auprès de tel ou tel gouverneur, alors il intercédera en sa faveur, soit pour lui épargner un mal, ou soit pour lui apporter un bien. وَأَمَّا بِعِلْمِهِ فَأَنْ يَبْذُلَ عِلْمَهُ لِعِبَادِ اللَّهِ تَعْلِيمًا فِي الْحَلَقَاتِ وَالْمَجَالِسِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ حَتَّى لَوْ كُنْتَ فِي مَجْلِسِ قَهْوَةٍ فَإِنَّ مِنَ الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِ أَنْ تُعَلِّمَ النَّاسَ وَلَوْ كُنْتَ فِي مَجْلِسٍ عَامٍ فَمِنَ الْخَيْرِ أَنْ تُعَلِّمَ النَّاسَ. Également de profiter aux gens par ta science, à savoir de donner sa science aux serviteurs d'Allah en leur enseignant dans les assises et dans les assises qui sont générales ou qui sont privées, même lorsque tu es dans une assise de café, car en Arabie ils ont les assises de café où les gens se réunissent et boivent le café, mais ce n'est pas comme le café d'ici. Et c'est un café arabe, et ils se réunissent pour le boire, accompagné de dattes, etc. Donc il faut enlever cette idée de café dans le bistrot, etc. Et car fait partie du bien et de la bienfaisance d'enseigner les gens. Et lorsque tu es dans une assise générale, eh bien, il fait partie du bien d'enseigner aux gens. وَلَكِنْ إِسْتَعْمِلِ الْحِكْمَ فِي هَذَا الْبَابِ فَلَا تثقل على الناس حيث كلما جلست مجلسا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة ولا يكثر لأن النفوس تأسم وتمل فإذا ملت كلت وضعفت وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم. Mais tu dois user lorsque tu enseignes aux gens. Tu dois user de la sagesse et de ne pas être lourd pour les gens, de telle sorte qu'à chaque fois que tu es assis avec eux, eh bien, que tu leur parles et que tu les exhortes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait lorsqu'il faisait des exhortations, il ne le faisait pas de façon abusée ou de façon trop fréquente, car les âmes sont amenées à se lasser, et lorsqu'une âme se lasse, eh bien, elle se décourage, elle s'affaiblit, et elle peut aussi détester le bien, car il y aurait trop de personnes qui parleraient. وأما الإحسان إلى الناس في البدن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه علي أو ترفع له عليها متاعه صدقة فهذا رجل تعينه تحمل متاعه معه أو تدله على طريق أو ما أشبه ذلك كل ذلك من الإحسان هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله. Et il y a également le fait d'être bienfaisant vers les gens par son corps. Ainsi le prophète صلى الله عليه وسلم a dit et d'aider un homme à monter sur sa monture ou à faire monter sur celle-ci sa marchandise. Ceci est considéré comme une aumône. Ainsi, un homme que tu aides à monter ses courses ou sa marchandise, ou un homme à qui tu montres le chemin ou autre chose semblable, tout ceci fait partie de la bienfaisance. Ceci est concerne la bienfaisance envers les serviteurs d'Allah. وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله et concernant la bienfaisance dans l'adoration d'Allah. فأن تعبد الله كأنك تراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوق وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها لأنه يطلب هذا الذي يحبه فهو يعبده كأنه يراه فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. Et quant à l'adoration d'Allah, quant à la bienfaisance dans l'adoration d'Allah, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette adoration, c'est-à-dire que l'être humain adore son Seigneur comme s'il le voyait, eh bien c'est une adoration de demande et de désir. Tu recherches à travers cette adoration le fait de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui adore Allah azza wa jal comme cela, eh bien, va yajidu l'insanu min nafsihi hathan 'alayha. Il va trouver en soi ce qui va le pousser et l'encourager à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, car il sait qu'il va demander ce qu'il aime, à savoir de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi il adore Allah comme s'il le voyait, il se repent à lui et se rapproche de lui subhanahu wa ta'ala. فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه عبادة الهرب والخوف ولهذا كانت هذه المرتبة الثانية في الإحسان إذا لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه وتطلبه وتحث النفس للوصول إليه فاعبده كأنه هو الذي يراك فتعبده عبادة خائف منه هارب من عذابه وعقابه وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى وعبادة الله تعالى سبحانه وتعالى هي كما قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. Et si tu ne le vois pas, alors lui il te voit. Si tu ne vois pas Allah, lui il te voit. Et ceci est l'adoration de celui qui fuit et qui a peur. Et ainsi, c'est le deuxième degré de la bienfaisance. Le premier degré de la bienfaisance, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et le degré qui vient en dessous, c'est d'adorer Allah. Si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Si tu n'adores pas Allah comme si tu le voyais, et que tu lui demander et que tu encourages ton âme à se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala, alors adore-le comme si c'était lui qui te voyait. Tu l'adoreras alors en craignant Allah Azza wa Jal, en ayant peur de lui et en se sauvant de son châtiment et de ses supplices. Et ce degré chez les gens de l'adoration est moindre que le premier degré. Et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme l'a décrit Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, et l'adoration du tout miséricordieux, ghayatu hubbihi, c'est le summum de son amour. Ma'adhulli abidihi huma ruknani, avec l'humilité de son serviteur, ceux-ci sont deux piliers. فالعباده مبنيه على هذين الامرين غايه الحب وغايه الذل. Ainsi l'adoration est basée sur ces deux choses, la première le summum de l'amour et le summum de l'humilité. ففي الحب الطلب وفي الذل الخوف والهرب. Dans l'amour, eh bien il y a la demande, et dans l'humilité il y a la peur et le fait de se sauver, la peur d'Allah et de se sauver de son châtiment. فهذا هو الإحسان في عبادة الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه فإنه سوف يكون مخلصا لله جل وعلا، لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة ولا مدحا عند الناس، وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعوا، الكل عنده سواء، وهو محسن العبادة على محسن العبادة على كل حال. Une personne qui adore Allah Azza wa Jal comme cité, eh bien, il sera sincère dans son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne recherchera dans son adoration à Allah ni ostentation, ni réputation, ni éloge auprès des gens. Et que les gens le voient ou que les gens ne le voient pas, ceci est pareil pour lui. C'est ainsi qu'il est bienfaisant dans son adoration, quelles que soient les situations. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Ainsi se termine la parole de Cheikh al-Islam, de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin رحمه الله تعالى. Puis Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wissabi dit: قلت والخلاصة. Et je dis: et en résumé. C'est-à-dire qu'il va résumer la parole ou les paroles qu'a dit Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. قلت والخلاصة أن الإحسان ضد الإساءة. Que la bienfaisance est le contraire de du fait de faire du mal. وهو قسمان. إحسان إلى الخلق وإحسان إلى عبادة الخالق. Et la bienfaisance est de deux sortes. Il y a la bienfaisance envers la créature et il y a la bienfaisance dans l'adoration du Créateur. فأما الأول وهو الإحسان إلى الخلق فإنه يكون في أربعة أمور. Quant à la première partie, qui est la bienfaisance envers la envers les créatures, eh bien, il se divise en quatre. المال والجاه والعلم والبدن. Tu peux être bienfaisant envers les créatures par ton argent, par ta position, ta stature, ton statut, ta science et ton corps. وأما الثاني وهو الإحسان في عبادة الخالق فله مرتبتان. أولا أن تعبد الله كأنه تراه وهذه عبادة الطلب لرحمته وغفرانه. والثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه عبادة الهارب من عذابه ونيرانه. Et quant à la deuxième partie de la bienfaisance, c'est la bienfaisance dans l'adoration du Créateur. Et elle a deux degrés. Le premier degré, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, et ceci est l'adoration de celui qui demande la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième degré, si tu ne le vois pas, lui il te voit, et c'est l'adoration de celui qui se sauve de son châtiment et de son feu. Le feu de l'enfer, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. C'est clair sur l'ihsan ? On a ktafi bihada al-qadr, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.